Je circule hors agglomération sur une chaussée bien éclairée. Je dois donc faire usage des feux de croisement. Les feux de position seuls sont réservés à la circulation en agglomération éclairée. Les feux de route s'utilisent sur des chaussées dépourvues d'éclairage dans la mesure où ils n'occasionnent aucune gêne aux autres usagers. Réponse B.